Chapitre 4. Le lendemain, grand jour, je rendis officiellement visite à la famille Roderich. L'habitation du docteur s'élève à l'extrémité du quai Batiani, à l'angle du boulevard Tekeli, lequel, sous différents noms, fait le tour de la ville. C'est un hôtel moderne, d'une ornementation riche et sévère à l'intérieur, meublé avec un goût qui témoigne d'un sens artiste très affiné. Par une porte cochère flanquée d'une petite porte de service, on pénètre dans une cour pavée qui se prolonge en un vaste jardin ceinturé d'ormes, d'acacias, de marronniers et de hêtres, dont les cimes dépassent le mur de clôture. En face de ces deux portes sont les communs, tapissés d'aristoloches et de vignes vierges, et réunis au corps de logis principal par un couloir à vitraux de couleur qui aboutit à la base d'une tour ronde, haute d'une soixantaine de pieds, dans laquelle se déroule l'escalier. En avant de l'habitation règne une galerie vitrée, sur laquelle s'ouvrent les portes drapées de vieilles tapisseries qui conduisent au cabinet du docteur Roderich, au salon et à la salle à manger, ces diverses pièces prenant jour sur le quai Batiani par les 6 fenêtres de façade et sur le boulevard Tekeli. Le premier et le second étage reproduisent la même disposition. Au-dessus du grand salon et de la salle à manger, les chambres de monsieur et de madame Roderich. Au second, celle du capitaine Aralan. Au-dessus du cabinet du docteur, la chambre de mademoiselle Mira et son cabinet de toilette. Je connaissais cet hôtel avant de l'avoir visité. Au cours de notre entretien de la veille, Marc n'en avait pas oublié un détail. Il me l'avait décrit pièce par pièce, y compris son original escalier surmonté d'un belvédère et d'une terrasse circulaire d'où l'on domine la ville et le cours du Danube. Je savais même de la façon la plus précise quelle était la place préférée de mademoiselle Mira à table ou dans le grand salon et sur quel banc elle aimait à s'asseoir au fond du jardin à l'ombre d'un marronnier superbe. Vers 1 heure de l'après-midi, nous fûmes reçus, Marc et moi, dans la vaste galerie vitrée construite en avant du principal corps de bâtiment. Au milieu, une jardinière en cuivre ouvragé où s'épanouissaient dans tout leur éclat des fleurs de printemps. Pour garnir les angles, quelques arbrisseaux de la zone tropicale, palmiers, drasenas et araucaria. Au panneau, plusieurs toiles des écoles hongroises et hollandaises dont Marc appréciait la grande valeur. Sur un chevalet, je vis et j'admirai le portrait de mademoiselle Mira, œuvre d'une facture superbe, digne du nom qui la signait et qui m'est le plus cher au monde. Le docteur Roderich atteignait la 50aine, mais c'est à peine si on lui eût donné cet âge. Il avait la taille haute, le corps droit, la chevelure épaisse et grisonnante, le teint de la bonne et inaltérable santé, la constitution vigoureuse sur laquelle aucune maladie n'a prise. On reconnaissait en lui le véritable type magyar dans son originale pureté, l'œil ardent, la démarche résolue, l'attitude noble et en toute sa personne une sorte de fierté naturelle que tempérait l'expression souriante de son visage. Dès que je lui fus présenté, je sentis à la chaude étreinte de sa main que j'étais en présence du meilleur des hommes. Madame Roderich, à 45 ans, avait conservé de notables restes de sa grande beauté d'autrefois. Des traits réguliers, des yeux d'un bleu sombre, une magnifique chevelure qui commençait à blanchir, une bouche finement dessinée, laissant voir une denture intacte, une taille encore élégante. Marc m'en avait fait un portrait fidèle. Elle donnait l'impression d'être une excellente femme, douée de toutes les vertus familiales, ayant trouvé le bonheur complet près de son mari, adorant son fils et sa fille de toute la tendresse d'une mère sage et prévoyante. Madame Roderich me témoigna beaucoup d'amitié, ce dont je fus profondément touchée. Elle serait heureuse de l'arrivée du frère de Marc Vidal dans sa maison, à la condition qu'il voulût bien la considérer comme la sienne. Mais que dire de Mira Roderich ? Elle vint à moi souriante, la main ou plutôt les bras tendus. Oui, c'était bien une sœur que j'allais avoir en cette jeune fille. Une sœur qui m'embrassa et que j'embrassai sans plus de cérémonie. Et j'ai lieu de croire que Marc, en me voyant faire, connut l'aiguillon de l'envie. Moi, je n'en suis pas encore là, soupira-t-il non sans jalousie. Parce que vous n'êtes pas mon frère, expliqua plaisamment ma future belle-sœur. Mademoiselle Roderich était bien telle que Marc me l'avait dépeinte, telle que la représentait cette toile que je venais d'admirer. Une jeune fille à la tête charmante, couronnée d'une fine chevelure blonde, avenante, enjouée, ses beaux yeux d'un bleu noir pétillant d'esprit, le teint chaud de la carnation hongroise, la bouche d'un dessin très pur, des lèvres rosées s'ouvrant sur des dents d'une éclatante blancheur. D'une taille un peu au-dessus de la moyenne, la démarche élégante, elle était la grâce en personne, d'une distinction parfaite, sans affaiterie ou pose. En vérité, si l'on disait des portraits de marque qu'ils étaient plus ressemblants que leur modèle, on eût pu dire plus justement encore que Mademoiselle Mira était plus naturelle que nature. Comme sa mère, Mira Roderich portait le costume magyar, la chemisette fermée au cou, les manches assujetties aux poignets par des broderies, le corsage soutaché à boutons de métal, la ceinture nouée d'un nœud de ruban à filet d'or, la jupe aux plis flottants et s'arrêtant à la cheville, les brodequins de cuir mordoré, tout compte fait, un ensemble fort agréable où le goût le plus délicat n'eût rien trouvé à reprendre. Le capitaine Aralan était là, superbe dans son uniforme et d'une ressemblance frappante avec sa sœur. Il m'avait tendu la main, il m'avait traité en frère, lui aussi, et nous étions déjà deux amis, bien que notre amitié datât de la veille. Je n'avais donc plus à connaître aucun membre de la famille. La conversation se poursuivit à l'aventure, passant sans ordre d'un sujet à l'autre. Nous parlâmes de mon voyage, de la navigation à bord de la Dorothée, de mes occupations en France, du temps dont je pouvais disposer, de cette belle ville de Rax qu'on me ferait visiter en détail, du grand fleuve que je devrais bien descendre au moins jusqu'aux portes de fer, ce magnifique Danube dont les eaux semblent imprégnées de rayons d'or, de tout ce pays magyar si plein de souvenirs historiques, de cette fameuse Pusta qui devait attirer les curieux du monde entier, etc. « Avec quelle joie nous vous voyons près de nous, monsieur Vidal !» répétait Mira Roderich en joignant les mains dans un geste gracieux. « Votre voyage se prolongeait et nous n'étions pas sans inquiétude. Nous n'avons été rassurés qu'en recevant votre lettre écrite de peste. » « Je suis très coupable, mademoiselle Mira, » répondis-je, « très coupable de m'être attardée en route. Il y a longtemps que je serais à Rax si j'avais pris la poste après Vienne. Mais des Hongrois ne m'eussent pas pardonné d'avoir dédaigné le Danube dont ils sont fiers à si juste titre et qui vaut sa réputation. « En effet, monsieur Vidal, » approuva le docteur, « c'est notre glorieux fleuve et il est bien à nous depuis Presbourg jusqu'à Belgrade. Nous vous pardonnons en sa faveur, monsieur Vidal. » concéda Madame Roderich, « puisqu'enfin vous êtes là et que rien ne retardera plus maintenant le bonheur de ces deux enfants. » Tout en parlant, Madame Roderich couvait d'un regard attendri sa fille et Marc déjà unis dans son cœur. Monsieur Roderich faisait de même. Quant aux deux enfants, ils se mangeaient réciproquement des yeux, comme on dit familièrement. Et moi, j'étais tout ému de l'innocent bonheur de cette heureuse famille. Il ne fut pas question de sortir pendant cet après-midi. Si le docteur dut retourner à ses occupations habituelles, Madame Roderich et sa fille n'avaient aucune affaire qui les attirât au dehors. En leur compagnie, je parcourus l'hôtel et admirai les belles choses qu'il renferme. Tableaux et bibelots de choix, dressoirs chargés de vaisselle d'argent de la salle à manger, vieux coffres et vieux bahuts de la galerie. « Et la tour ! » s'écria Mira. « Monsieur Vidal s'imagine-t-il que sa première visite s'achèvera sans qu'il soit monté à notre tour ?» « Mais non, mademoiselle Mira, mais non, » répondis-je. « Il n'y a pas une des lettres de Marc qui ne me parle de cette tour en termes élogieux, et à vrai dire, je ne suis venu à Rax que pour y monter. »« Vous le ferez donc sans moi, » dit madame Roderich, « car c'est un peu haut. »« Oh, mère, 160 marches seulement. »« À ton âge, ça ne fait même pas 4 marches par année, » dit le capitaine Aralan. « Mais reste, chère mère, nous te retrouverons dans le jardin. » « En route pour le ciel !» s'écria Mira. Elle s'élança et nous avions peine à la suivre dans sa légère envolée. En 2 minutes, nous eûmes atteint le belvédère, puis la terrasse d'où un panorama superbe s'offrit à nos regards. Vers l'ouest, toute la ville et ses faubourgs, que domine la colline de Volkang, couronnée par le vieux château dont le donjon s'abrite sous les plis du pavillon hongrois. Vers le sud, le cours sinueux du Danube, large de 175 toises, sans cesse sillonné par le va-et-vient des embarcations qui le remontent ou le descendent, et au-delà les lointaines montagnes de la province serbienne. Au nord, la Pusta, avec ses bois resserrés comme les massifs d'un parc, ses plaines, ses cultures, ses pâturages, précédés de toute une banlieue de maisons de campagne et de fermes, reconnaissables à leurs pigeonniers pointus. J'étais ravi par cette vue admirable, si variée d'aspect, et qui, par ce beau temps aux rayons d'un clair soleil, s'étendait jusqu'aux dernières limites de l'horizon. Mademoiselle Mira crut devoir me donner quelques explications. « Ceci, dit-elle, c'est le quartier aristocratique, avec ses palais, ses hôtels, ses places, ses statues. De ce côté, en descendant, monsieur Vidal, vous apercevez le quartier commerçant, ses rues pleines de monde, ses marchés. Et le Danube, car il faut toujours en revenir à notre Danube, est-il assez animé en ce moment? Et l'île Svendor, toute verte, avec ses bosquets et ses prairies en fleurs. Mon frère n'oubliera pas de vous y conduire. « Sois tranquille, répondit le capitaine Aralan, je ne ferai pas grâce à monsieur Vidal d'un seul coin de Rax. » « Et nos églises, reprit mademoiselle Mira, voyez-vous nos églises et leurs clochers pleins de sonneries et de carillons? Vous entendrez cela le dimanche. Et notre maison de ville avec sa cour d'honneur entre les deux pavillons, sa haute toiture, ses grandes fenêtres et son beffroi dont la grosse voix sonne les heures. Dès demain, dis-je, elle aura reçu ma visite. « Eh bien, monsieur, demanda mademoiselle Mira en se retournant vers Marc, tandis que je montre la maison de ville à votre frère, que regardez-vous donc ?»« La cathédrale, mademoiselle Mira, sa masse imposante, les tours de sa façade, sa flèche centrale qui monte vers le ciel comme pour y conduire la prière, et par-dessus tout son escalier monumental. « Et pourquoi ?» dit Mira, tant d'enthousiasme pour cet escalier. « Parce qu'il conduit, juste sous la flèche, répondit Marc en regardant sa fiancée, dont la jolie figure se colora d'une légère rougeur, à un certain endroit du cœur où... « Où ?» interrogea Mira. « Où j'entendrai de votre bouche le plus grand de tous les mots, bien qu'il n'ait qu'une syllabe, et le plus beau. » Après une assez longue station sur la terrasse du belvédère, nous redescendîmes au jardin où nous attendait Madame Roderich. Ce jour-là, je dînais à la table de famille, et nous passâmes la soirée entre nous. À plusieurs reprises, mademoiselle Mira se mit au clavecin et s'accompagna en chantant d'une voix pénétrante ses originales mélodies hongroises, odes, élégies, épopées, ballades, qu'on ne peut entendre sans émotion. Ce fut un ravissement qui se serait prolongé jusqu'à une heure avancée de la nuit si le capitaine Aralan n'eût donné le signal du départ. Lorsque nous fûmes rentrés à l'hôtel Temesvar, dans ma chambre où me suivit Marc, « Avais-je exagéré ?» me dit-il. « Et crois-tu qu'il y ait au monde une autre jeune fille ?»« Une autre ?» répondis-je. « Mais j'en suis à me demander si même il y en a une, et si mademoiselle Mira Roderich existe réellement. »« Ah, mon cher Henri, que je l'aime !»« Parbleu, voilà qui ne m'étonne pas, mon cher Marc. Je te renierais pour mon frère s'il en était autrement. » Là-dessus, nous gagnâmes nos lits, sans qu'aucun nuage eût assombri cette heureuse et paisible journée.